teinté d'obscur et de lumière, juste entre ce que je suis et ce que j'aimerais être. Ah ah, entre réel et illusoire. Face à un mur, face à moi-même, mes cicatrices sont ma mémoire, elles me rappellent. Ah ah, il n'y a pas de paix sans combat, paradoxal. Laisse-moi briser la glace. Je me bats face à un miroir, je cherche l'ennemi en face, mais je suis le seul que je peux y voir. Comment vivre en paix, en guerre avec mes contradictions? Comment m'émanciper, frère, prisonnier de mes addictions? Tant que James est vivant, c'est de lui que vient le danger. Et chaque jour suivant, Alix se promet de changer. Mais la nuit chasse le jour, et le jour la nuit. Et je suis toujours ce que je crains, toujours ce que j'écris, toujours ce que je fuis, toujours ce que je suis. On oubliera ce que j'ai souhaité, restera ce que je fis. Je voulais marcher vers le sud, mais j'ai rampé vers le nord, en me cherchant des excuses quand j'avais tout simplement tort. J'essaie de garder l'équilibre malgré mes mauvais penchants. Et si je me sens pas libre, c'est que ce bas monde est trop attachant. Je suis déboussolé comme un Africain occidental. Entre ce que je dis et ce que je fais, y'a quelque chose de paradoxal, teinté d'obscur et de lumière. Entre ce que je suis et ce que j'aimerais. Ah ah, entre réel et illusoire. Face à un mur, face à moi-même, mes cicatrices sont ma mémoire, elles me rappellent. Ah ah, il n'y a pas de paix sans combat, paradoxal. Paradoxal, comme vouloir garder les mains propres en faisant de l'argent sale. Sniffer de la coke pour soigner ses lésions, c'est comme chercher la guérison en consommant du poison. Comment construire sur des mines? Nos propres désirs nous dessinent. On a beau mentir sur ce qu'on est, un jour nos vérités percutent nos illusions de plein fouet. Démons sans conviction, des silences qui en disent long. On cherche le pardon, nos rancunes sont bruyantes. On prend l'air confiant, nos angoisses sont stridentes. On prétend s'abriter dans des châteaux de sable, mais le temps a figé nos névroses dans le marbre. On se donne l'illusion de choisir nos entraves, nos pulsions nous dominent, nos passions nous enclavent. Paradoxal, teinté d'obscur et de lumière.